savait tout, tout le monde le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. Je la perdrai en la prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant. Suffit de voir comment ils font pour savoir qu'il faut faire tout le contraire. Question de flair, pas de superstition. Si l'instru met le frisson, je paye mon 16 voire plus. Je capture l'instant, je carbure H24 ma cure de jouvence. 16 grabuches qui atténuent ma pute de souffrance. La fleur au bout du fusil, je m'en vais braquer la chance. Je t'amène là-dedans jusqu'à ce que tombe ton sursis. La vie au bout des lèvres, toutes ces choses qui nous bousillent. Faut nous les esclaves de ces mauvais maîtres. Est-ce qu'on revendique reste l'être morte? Nuisible pour nous-mêmes, on nous met l'arme à la main pour faire croire à un suicide. Maudite Matrix qui nous fait voir flou. Mon libre arbitre t'en prend un coup, faut que je plaide la folie. Version officielle versus version conspirationniste. J'éteins la télé, je coupe le wifi, je coupe les ficelles du marionnettiste. Si quelqu'un savait tout, tout le monde le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. Je la perdrai en la prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant. Si quelqu'un savait tout, tout le monde le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. Je la perdrai en la prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant. Être sage n'inclut pas forcément de rentrer dans les rangs. Et mon message, je souhaite la bienvenue à toutes les amérantes. Mais ne mélange pas tout, mec, on n'a pas tous le même parcours. Moi j'ai jamais été gêné de faire preuve de bravoure. Hommage au vécu qui partent de rien, arrive à tout. T'as vraiment cru que le bonheur tomberait de la machine à sous? Combien lâche tout? Combien manque d'ambition, inconscient. Combien n'ont même pas confiance en ce qu'ils sont. Ceux qui ne foutent rien de leur journée me disent qu'il leur en faut deux en une pour se rentrer dans le temps des autres tamponneux. C'est nul, comme tous ces jours où je vois plus rouge qu'une pomme d'amour. Quand tout échoue, que ma plume s'agite et que l'amour jalouse. Mais je me relève, j'agis, posé dans ce monde tragique. J'ai pas le temps de sombrer dans la léthargie. Je me donnerai corps et âme pour que l'avenir prenne forme. Je la croque à pleines dents avant que la vie me dévore. Si quelqu'un savait tout, tout le monde le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. La sauver. Je la perdrai en la prenant. La prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant. La prenant. Si quelqu'un savait tout, tout le monde le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. La sauver. Je la perdrai en la prenant. La prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant. Un jour on t'encense, un jour on t'enterre. On en passe des nuits de folie et des journées d'enfer. Sur le planning de ma vie, tu sais, j'ai déjà pris du retard. L'agenda est rempli de ratures et de croix noires. Si j'ai la vie au bout des lèvres, c'est que je rêve souvent de la mort. On a plus de marques sur le visage que de visa sur un passeport. La nuit, l'ennui, j'y suis accoutumé. Le fil de mes pensées ne feront pas de moi un grand couturier. Ce soir, la nuit est noire, la ville endormie. La feuille est blanche et se noircit doucement au gré de nos vies. Je peux te dire que le temps est compté. Aujourd'hui tu respires, demain t'es qu'un fantôme du passé. Tourne les pages, il n'est jamais trop tôt. La vie continue, même après les romans photos. La vie au bout des lèvres, c'est comme ça qu'on l'allège. Une bouteille à la mer, fermée par un bouchon de liège. Si quelqu'un savait tout, tout le monde le saurait. Le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. La sauver. Je la perdrai en la prenant. La prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant. La prenant. Si quelqu'un savait tout, tout le monde le saurait. Le saurait. La vie au bout des lèvres et je ne vais pas la sauver. La sauver. Je la perdrai en la prenant. La prenant. Je ne ferai pas naître le bonheur en la prenant.